le nouveau cadre juridique pour la lettre recommandée électronique. La récente loi pour une République numérique a instauré un régime général des lettres recommandées électroniques afin qu'elles apportent les mêmes garanties que les lettres recommandées papier. À noter que les non-professionnels pourront refuser de les recevoir.